Nyang. Dimanche 31 juillet, madame, monsieur, bonjour et voici les grandes articulations de cette édition. Des quartiers du nord de la capitale économique Bujumbura bientôt approvisionnés en eau potable en quantité suffisante, rassure le ministre chargé de l'hydraulique. Une vingtaine de personnes adeptes de Zébi ont passé leur première nuit au cachot de la police à Kirundo ce samedi. Et des récalcitrants au respect du prix du ticket de transport sur le trajet Rumonge-Bururi, déjà sous sanction, nous dira Zenon Nzambimana dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayo. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les travaux d'adduction d'eau potable à partir de la commune Lugazi en province Bubanza et pour alimenter certains quartiers du nord de la capitale économique Bujumbura ont été faits lors de la présentation de réalisation annuelle vendredi. Ibrahim Ouizé, ministre chargé de l'hydraulique, énergie et mines, a en outre fait savoir que l'autorisation d'importer du gaz de cuisine a été accordée à deux sociétés suivies. La promotion du gaz comme source d'énergie. Des sociétés ont été agréées comme importateurs du gaz, Bujumbura Gas Company et Taifa Gaz. Dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement de base, achat des compteurs eau à partir de l'usine. 30 000 compteurs eau sont achetés à partir de l'usine et le coût aujourd'hui est à 100 000 francs bou au lieu de 213 000 francs bou. Projet d'adduction d'eau potable et assainissement d'eau base en milieu rural. La construction de l'AEP Rugazi en province de Bouanza pour alimenter la partie nord de la ville de Bujumbura. Les travaux sont déjà terminés et l'eau est actuellement en consommation. Ibrahim Ouizé, ministre ayant l'hydraulique dans ses attributions par l'endroit de l'homme à présent, le Burundi a déjà mis en place et a signé la semaine dernière l'ordonnance conjointe de mise en application des accords de recrutement des travailleurs entre le Burundi et l'Arabie Saoudite. Colonel Pitas Masumbuko, président de la commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, indique que des accords avec d'autres pays sont en cours comme le Qatar. Il a dit au cours de la semaine écoulée de la célébration de la journée de lutte contre la traite de la personne, normalement célébrée le 30 juillet de chaque année. Je dois en effet signaler que le Burundi a déjà signé un accord avec l'Arabie Saoudite. L'accord est déjà ratifié et jusqu'à présent, on attendait qu'une ordonnance conjointe soit signée par les ministères concernés qui vise à mettre effectivement en application les accords signés par les pays. Donc, dès que l'ordonnance conjointe est déjà signée, il ne reste qu'à la mise en application pour que l'exécution de cet accord soit effective. Dans cette ordonnance conjointe, c'est là où on trouve et c'est dans quelles conditions un Burundi est peut-être recruté, placé à l'étranger pour y bénéficier en emploi. C'est là, dans cette ordonnance conjointe, où on trouve quelle est la société autorisée à faire ce travail. Les conditionnalités pour qu'une société soit agréée au Burundi et autorisée à placer à l'étranger. L'ordonnance conjointe de mise en application des accords entre le Burundi et l'Arabie Saoudite a été déjà signée il y a à peu près une semaine. Poursuivons cette édition à 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro. Et par cette page agriculture, les cultivateurs encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo SRDI se lamentent après que cette société leur a donné de mauvaises semences, disent-ils, de riz appelé Komboka. Ces cultivateurs demandent un dédommagement de la part de cette société. Et au niveau de la SRDI, on explique plutôt que l'engrais chimique a été appliqué tardivement, ce qui a endommagé cette culture. Le point avec Spes Caritas Kabanyana. Certains riziculteurs encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRD en sigle, se lamentent et disent que cette société leur a donné de mauvaises semences de riz appelées Komboka et qui n'ont donné aucune production, comme le déplore ce cultivateur. Nous devons des semences à la SRDI, ce qui dit que c'est la SRDI qui nous donne des semences, ce qui a été même le cas pour cette année. Mais après avoir planté, semé, planté ces semences communément appelées Komboka, nous n'allons pas avoir de récolte parce qu'il y a une maladie qui a attaqué cette espèce appelée Komboka. Au niveau de la SRDI, on explique que les cultivateurs ont plutôt appliqué l'engrais chimique tardivement et en grande quantité, ce qui a détruit cette culture. Borundi Mugwango est chargé du service mouvement coopératif à la SRDI et il est également directeur d'encadrement AI. Pour ces agriculteurs qui se lamentent qu'ils ont eu donc une mauvaise semence, on peut démentir que la semence n'est pas mauvaise. Mais c'est la semence qui a manifesté donc un mauvais comportement. Et d'abord suite à l'absence des engrais chimiques en provenance de fourmis, et parce que là, les engrais sont venus un peu tard et le riz était à un stade d'étalage. Et normalement, on applique les engrais trois fois par saison. D'abord, il y a une partie qui est appliquée avec le repiquage, l'autre au stade d'étalage et l'autre vers la fin d'étalage. Mais pour le moment, on a fini sur l'application. Il y a la coopérative du Village 2, à Vanel-Corba, Mourira Village 2, c'est la coopérative qui a beaucoup souffert par donc, cette maladie. Paul Ndimurwanko rappelle aux riziculteurs de suivre et d'appliquer les conseils donnés par les responsables agricoles. Spécialité Skawanyana, Wanza, Radio Isanganiro. Dans le studio de Radio Isanganiro, il est 13h03. Parlons religion à présent. 26 adeptes de Zebingenda Kumana, originaire de la province de Kayanza, viennent de passer la première nuitée au cachot du parquet de Kirundo. Ils étaient en train de faire la prière ce samedi dans l'une des maisons situées au quartier Nyangebushaza, au centre urbain de la province de Kirundo. Viateur Habimana, administrateur communal de Kirundo, demande à toutes les personnes ou groupes de personnes qui veulent prier de le faire tout en respectant la loi. Le point avec Abraham Safari. Selon les informations issues de la population proche de l'endroit où ces adeptes de Zebi étaient en train de mener une prière, c'était aux environs de 15h de ce samedi lorsqu'ils ont vu des policiers débarquer chez un certain Gatsembe au quartier Nyangebushaza situé au centre urbain de Kirundo et ont fait sortir ces personnes. Les mêmes sources qui sont confirmées par l'administrateur de la commune de Kirundo, Habimana Viateur, ces adeptes de Zebi étaient au nombre de 26. La majorité étaient des femmes et des enfants. Ils ont été embarqués dans le véhicule jusqu'au parquet de Kirundo où ils y ont passé la première nuit en attendant les enquêtes. L'administrateur de Kirundo demande à toutes les personnes ou groupes de gens qui veulent faire la prière de le faire en respectant la loi. Certains conjoints de ces femmes signalent qu'ils sont fatigués par la vie que mènent leurs épouses, surtout que leurs enfants en sont également des victimes. Un des membres d'une association luttant pour les droits de l'homme a signalé qu'il est bon de prier légalement et surtout abandonner l'implication des enfants innocents dans ces affaires. Ils demandent toutefois l'allègement de la sanction car ils n'ont pas perturbé la sécurité. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. De Kirundo, nord du Burundi, rendons-nous en province Bururi, c'est au sud du pays pour parler transport. Une amende variant entre 20 000 et 50 000 francs burundais est infligée aux conducteurs de véhicules assurant le transport en commun et infligée par le cabinet du gouverneur de la province Bururi pour avoir revu à la hausse le prix du ticket de transport. Et trois chauffeurs ont payé cette amende dans l'après-midi de ce samedi sur la route Bururi-Lumonge. Ces derniers expliquent qu'ils s'étaient approvisionnés en carburant au marché noir au prix exorbitant, des explications non fondées selon Juvan Ndeikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province Bururi. Le point avec Zenon Zambiman. Une amende de 20 000 francs burundais a été infligée à deux conducteurs de véhicules de type Probox et 50 000 francs burundais à un chauffeur de véhicules de type Quaster. C'était dans l'après-midi de ce samedi à Bururi quand ils transportaient leurs clients en provenance du parking d'Orumonge. Jivan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, fait savoir que cette amende administrative leur a été infligée parce qu'ils avaient revu à la hausse le prix du ticket de transport jusqu'à un prix variant entre 8 000 et 10 000 francs burundais pour un tronçon ne dépassant pas 32 km, alors qu'avant on payait 5 000 francs burundais. Cette hausse du prix du ticket de transport se remarque également sur la route Bururi-Matana où les passagers sont obligés de payer 7 000 francs burundais alors qu'ils payaient 5 000 francs burundais. Les conducteurs de ces véhicules qui assurent le transport en commun disent qu'ils s'approvisionnent en carburant à un prix variant entre 10 000 et 15 000 francs burundais en litres d'essence ou de mazout, là aussi au marché noir, suite à la pénurie répétitive de ces produits, raison pour laquelle ils sont obligés de revoir à la hausse le prix du ticket de transport. Des explications non fondées, selon Jivan Daikeza, car la veille, le carburant était en quantité suffisante dans les stations de Bururi, Matana et Rutovu. Cette autorité administrative appelle les conducteurs de ces véhicules à respecter les prix du ticket de transport et à leurs clients de dénoncer chaque fois ces cas de spéculation autour du carburant. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Page sportive à 13h07 dans le studio de la radio Isanganiro. Les clubs de techball dit Peace and Sport côté homme en provenance de la mairie de Bujumbura et Young côté dame provenant de la province Muyinga ont remporté ce samedi le tournoi national de l'indépendance. Les participants disent que ce tournoi leur a été bénéfique, surtout en nouant l'amitié avec des joueurs de différents clubs à travers le pays. Vital Yamuremye, secrétaire général de la Fédération burundaise de techball, salue le niveau des joueurs dans ce tournoi organisé en province Kirundo. Les détails avec Omer Ndouayo. La satisfaction de la Fédération burundaise de techball est le résultat des acquis lors de renforcement des capacités des joueurs. Vital Yamuremye, secrétaire général de la dite fédération, affirme avoir satisfait les attentes. Ce que nous avons retenu, c'est que ce tournoi a été très bénéfique et le niveau de compétitivité des clubs a été vu à la hausse. Si on regarde les clubs de Kirundo et Muyinga qui n'étaient pas habitués aux compétitions au départ, ils avaient très peur. Mais vers la fin, ils ont beaucoup amélioré. On voit qu'ils ont beaucoup appris du côté technique mais aussi du côté du règlement. Même satisfaction aux joueurs qui ont pris part à ce tournoi, qui part d'un exercice qui leur permettra de mieux prester. Nous avons fait de bonnes préparations pour atteindre ce niveau. Ce que j'ai gagné, c'est l'amitié avec les joueurs provenant des clubs de différentes provinces. Ils ont voulu savoir les techniques que nous avons utilisées pour gagner ce tournoi. Je les ai fait savoir que seule la volonté et les entraînements suffisent. D'abord, c'est ma première participation. Je me suis retrouvée en beau jeu et j'ai pu apprendre les différentes techniques sur les joueurs des équipes adverses. Les clubs de la mairie de Bujumbura et ceux de la province Makamba, côté masculin, ont enregistré des compétences remarquables. Côté féminin, la province de Muyinga s'est classée la meilleure. Actualité internationale. En international, en Espagne, une deuxième personne atteinte de la variole du singe est morte, a indiqué ce samedi le ministère de la Santé. C'est au lendemain de l'annonce du premier décès dans le pays d'une personne infectée par ce virus. Parmi les 3750 patients, 120 cas ont été hospitalisés, 2 sont décédés, a indiqué le Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère, dans son dernier rapport publié samedi, a écrit la RFI. Et une attaque au drone a visé ce dimanche l'état-major de la flotte russe de la mer Noire, faisant 5 blessés, a indiqué le gouverneur de cette ville de la péninsule annexée de Crimée. Voilà, 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, la dernière de cette mi-journée du 31 juillet. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Ndouayo qui assurait parfaitement la mise en onde. Très bonne journée dominicale. À tous et à tous, au revoir. Mireille Kanyangi.